Taint It Love. C'était en 1964, Gloria Jones qui constatait avant Soft Cell et Marilyn Manson que parfois l'amour nécessite une petite reprise. Tu t'es fait teindre les cheveux, toi? Ah non, pas teindre, juste raviver un peu. Eh bien, à 11h11, afin d'ouvrir ce 181e épisode du Mangin Palace et d'amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques, il est temps de te vautrer confortablement, puisqu'il est l'heure de notre petite session freudienne. Et ce matin, Monsieur Divan Beaujelet s'est arraché les cheveux pour démêler les chevaux constitués par la ponctualité de l'identité nationale, par le petit bonhomme en mousse et par un gros arracheur de dents. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin ! Cette histoire est tirée de faits réels. Comme prévu, le ministre de l'Immigration a organisé hier sa première réunion dans le cadre du débat sur l'identité nationale. Ça signifie quoi? Vous pouvez me le dire? Le retard fait partie de notre identité nationale. Qui es-tu? Celui à qui on fait toujours appel pour toutes les traîtrises et les basses besognes. C'est avec une bonne demi-heure de retard qu'Éric Besson, retenu à l'Assemblée, a lancé le débat. Mais le fond de l'air est frais. Quelques satisfaits, le site internet, un succès, dit-il, et la variété du casting, enseignants, patrons, responsables d'associations et élus. Y compris le chef du groupe socialiste au sein du conseil municipal. Et bla bla bla. Albert Mimoun, élu de Montargis, coupera court à la discussion dont il ne voit pas la nécessité. Je suis venu à titre personnel. Je ne voulais pas que je sois donc une espèce d'alibi de gauche à ce débat. À propos. Ma mère était d'origine italienne, mon père des ascendances espagnoles. Je suis donc né en Tunisie. Par contre, j'ai fait le choix de devenir français et je n'ai pas besoin qu'on me précise mon identité. Et voilà. Les amuseurs publics de la télé sont en quête de sens, et oui. Oui, je sais. Sexe, violence et météo. Un Patrick Sébastien complètement à contre-emploi, complètement sérieux, pas du tout dans la gaudriole. Bien sûr. L'animateur du Grand Carnaval s'apprête à créer un parti très sérieux. Mais quel est votre avis sur tout ça? Je vais écrire un manifeste idéologique. Hein? Et je veux créer un rassemblement autour de moi. Ah oui, ah, c'est du boulot. Un rassemblement pour devenir en contrepoids à tous les partis politiques. J'allais le dire moi-même. J'ai envie de créer ce rassemblement parce que je trouve qu'il y a un vide. Qu'est-ce qu'il peut dire comme idiotie? Retour sur la qualification mondiale dans des conditions rock'n'roll, là aussi que l'on sait de l'équipe de France. Explique-moi un peu ce qui se passe. En ce moment même, Raymond Domenech s'exprime pour la première fois depuis la conférence de presse d'après-match. Et comment est-il? Nous, à la fin du match, les joueurs, tout le monde, on saute de joie. Ben oui, on est comme les spectateurs dans le stade qui ont sauté de joie, qui ont fait la fête à la fin du match parce qu'on n'a pas vu. Et je vous jure que si j'avais été sobre, tout se serait passé d'une façon totalement différente, totalement différente. La fin du match est sifflée, et moi le premier, je savais pas qu'il y avait... Et à ce moment-là, on vous dit « gamin ». Ah non, non, dans le vestiaire, moi, je le sais. Voyons, ne vous foutez pas de moi. C'est une fois que je suis rentré dans le vestiaire, avec Titi, on discute, j'entends les gens qui en parlent, ils disent « gamin ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire fumeuse que tu me racontes? Et j'en ai parlé avec Titi. Il me dit « ouais, elle me tombe sur la main, je l'ai rattrapée dans le feu de l'action ». En voilà une excuse. Ce qui arrive, mais 200 000 fois par saison, dans tous les matchs. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Le visage de l'Europe, ce sera celui d'Herman Van Rompuy. À qui j'ai l'honneur. Les dirigeants des 27 ont choisi hier pour président un homme qui ne fâche personne. Ah oui, c'est ce que je me disais aussi. Le premier ministre belge, Herman Van Rompuy, a finalement été poussé par Paris et Berlin. Ce flamand de 62 ans ne s'était guère fait connaître en dehors de la Belgique jusqu'à présent. Il a l'air normal. Je n'ai pas sollicité cette haute fonction. Mais à partir de ce soir, je l'assume avec conviction, je l'assume avec enthousiasme. Ça vous intéresse réellement? Vous n'allez pas changer d'avis? Et non, il ne va pas changer d'avis Herman Van Rompuy, qui a été nommé le 19 novembre dernier par les 27 chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne à la fonction éminemment prestigieuse de président du Conseil européen. C'est le premier du genre. Trop la classe. Sauf que bien sûr, à la panique, on s'est tous demandé qui c'était ce quidam là. Bon, Herman Van Rompuy est un Belge d'origine flamande, totalement baigné de démocratie chrétienne, tout comme il faut, sérieux dans ses études, baigné de morale et fervent catholique, comme il le revendique. C'est mieux d'être catholique le jour où on meurt, car on va au paradis au lieu d'aller nulle part. Mais pour aller au paradis, faut faire des bonnes actions, comme par exemple donner du pain à des saints clochards. Mais si t'es gentil avec les saints clochards, juste pour avoir ta place au paradis, bah Dieu il va trouver que t'es un peu hypocrite. Mais ça c'est dur de comprendre quand on est catholique. Allez les vieilles! Alléluia! Allez tout le monde! Alléluia! Merci. Mais y a pas de quoi! D'autant qu'humainement, cet Herman Van Rompuy n'est pas un mauvais bougre, puisqu'il est passionné par les haïkus, dis donc, ces petits poèmes très courts et pertinents. On voit quand j'ai bu, on voit pas quand j'ai soif. Tu trouves ça normal, toi ? Mais ce qui n'est pas normal, c'est sans doute que le nouveau président de l'Europe n'ait pas été élu par le Parlement. Bon, lui, ça ne le gêne pas trop. Grand professionnel de la politique, ces dernières décennies, notamment comme ministre des Finances, il a trempé dans les gouvernements qui se sont succédés en Belgique. La Belgique est une monarchie parlementaire. Alors qu'est-ce qu'une monarchie parlementaire ? Eh bien, je pense que c'est une monarchie qui parlemente, oui. Mais tout cela ne sont que concepts abrupts de sciences politiques, difficiles à comprendre pour des esprits étroits. Bref, tout ça pour vous dire que la Belgique est le pays des rois sportifs. Alors il y a un truc que je ne supporte pas, messieurs les subversifs de bazar, messieurs les anarchistes de bon ton, c'est qu'on se moque de mes amis royaux. Tenez-vous le pour dit, c'est touche pas à ma couronne. C'est touche pas à ma couronne, d'autant qu'en décembre 2008, Herman Van Rompuy est appelé par le roi Albert II pour former le nouveau gouvernement belge. Et il faut dire que pour Herman, la figure du roi des Belges est fondamentale. Tu es pour moi le symbole vivant des amours romantiques qu'on découvre à 30 ans. Ton corps me fait vibrer, dans tes bras je m'enivre. Mon cher Albert, oh mon cher Albert, mon petit Albert, oh mon bel Albert, oh mon amour d'Albert. Et Prébody sur Albert, oh mon cher Albert, tous ensemble avec Albert, oh mon petit Albert. Encore une fois... Albert II, roi des Belges, ne profita pas longtemps de son Herman Van Rompuy Premier ministre, puisqu'il vient d'être choisi par l'ensemble de nos grands chefs pour devenir le premier président du Conseil européen. Il faut pourtant rappeler que les candidats étaient nombreux, avec entre autres la star Tony Blair pour prendre la tête de l'entreprise Europe. Alors forcément, les discussions ont été vives. La question maintenant, c'est de savoir si on va laisser le premier corneau venu se payer notre entreprise. Mais alors que suggères-tu ? Le conseil d'administration n'a pas assez de moyens pour acquérir tout le portefeuille. Pas à la cote actuelle. Il nous faut maintenant un nouveau président susceptible de provoquer une panique chez les actionnaires. Un homme de paille. Un ponte. Un pion. C'est ça, c'est ça. Un abruti qu'on pourra manipuler. Voilà, pour ménager tout le monde, c'est Herman Van Rompuy qui a donc été nommé président de l'Europe. Une nomination qui a été très bien accueillie en Europe, bien sûr, mais aussi partout dans le monde. À l'issue de sa tournée asiatique, Barack Obama salue la nomination d'Herman Van Rompuy au poste de président européen. Mais qu'est-ce que c'est que ce cucus ? Une nomination qui devrait renforcer le partenariat entre l'Europe et les États-Unis, selon la Maison-Blanche. La chancelière allemande Angela Merkel est, elle aussi, satisfaite de ce choix qui était le sien. Ce n'est qu'une impression, bien sûr. Mais je n'arrive pas à croire que c'est un professionnel. Oui, mais je me fous de vos impressions. Habillez-vous décemment et filez au magasin. Même satisfaction pour le président français qui a sa propre échelle de valeur. C'est un homme profondément européen. Iram. Et je crois que c'est une très sage décision d'avoir choisi comme premier président stable du Conseil. Ah oui, c'est ça. Iram. Iram. Un homme qui vient d'un pays fondateur de l'Union européenne. Iram. D'un pays important, mais qui ne fait pas partie des plus importants. De façon à ce que personne ne se sente exclu du processus. Il jette du pain au canard. Mais qu'est-ce que c'est que ce Gugus ? Eh ben ce Gugus, c'est quand même notre président à tous. Alors un peu de respect tout de même. D'autant qu'avant cette nomination, Herman n'était pas très connu hors des frontières de la Belgique. Alors, c'est certain, le voir arriver à cette fonction prestigieuse, ça surprend un peu. Bon, pourquoi pas, mais lui aussi, ça l'a étonné. Nous nous préparons à une crise sans précédent. Passez-moi le président. C'est vous le président. Bien. Commandant à déjeuner. Monsieur, les télés attendent une déclaration. Monsieur le président ! Faites bien ce que je vais vous dire. Agent Thompson ! Premièrement, éloignez-vous de la fenêtre ! Quoi ? J'ai encore oublié de mettre mon pantalon ? Non, sir. Ah, c'est juste un pressentiment. Quelque chose ne tourne pas rond. Je ne veux pas de panique. Très peu de présidents ont eu à affronter une telle crise. Alors à nous de jouer. L'avenir dépend de nous. Bien sûr, l'avenir de l'Europe se construit et passe facilement au-dessus de la volonté des peuples. Entre suffrage corrigé chez les Irlandais et mépris du Parlement européen pour le choix du président de l'Union. Mais alors, quel est le programme de M. Van Rompuy ? Eh bien, le week-end dernier, dans la foulée de sa nomination, même s'il ne prendra ses fonctions qu'à partir du 1er janvier 2010, il a néanmoins accepté de dévoiler un peu ses projets pour l'avenir, notamment en prévision du sommet de Copenhague. Le président a bien voulu, devant notre micro, répondre à quelques questions. Avec plaisir, certainement. Vous allez chercher, comme tout un chacun, à établir un dialogue. Mais naturellement, de toute façon, je ne peux pas parler tout seul. Oui, ça me paraît évident. Sinon, on me prendrait rapidement pour un gâte. Oui, ça sûrement. Enfin, je ne sais pas pourquoi on peut vous prendre exactement, mais en tout cas, vous allez essayer d'établir un dialogue Est-Ouest. C'est ça, oui, et Nord-Sud, surtout. Nord-Sud aussi, avant. Oui. Et si j'ai le temps, j'essaierai également d'engager un dialogue sud-ouest-nord-est. En diagonale, alors. Carrément en diagonale. Ah oui, ça serait une innovation, quoi. Oh, c'est la première fois. Oh. C'est la première fois. Sud-est-nord-est, avec vent à tendance faible à modérée et pluie dans l'après-midi. Ah bah évidemment, il pourrait y avoir de l'orage dans le sud-est de l'Europe, puisque M. Van Rompuy n'est pas un fervent partisan de l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Cela dit, attention, il ne sera pas tout seul, Herman. Puisqu'en même temps que lui, la baronne Catherine Ashton a été nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères. Une cohabitation qui s'annonce bien, car Herman Van Rompuy a tout de suite demandé à Catherine de dévoiler ses orientations politiques, et pas que. Je vais te demander d'enlever le bain également. Qu'est-ce qu'il y a, non ? Qu'est-ce qu'il y a, non ? Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma fille ? Qu'est-ce que tu fous ? Je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein ? Tu es quand même venu de ton propre gré. Donc tu arrives ici et tu fais ta mijaurée. C'est très bien, mais on en reste là, donc c'est terminé. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. T'es tendu comme une crampe. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Moi, je suis pas là pour me faire chier, hein, ma fille. C'est mon plaisir, ça, moi. Tu comprends? J'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie, moi. Moi, je gagne ma vie suffisamment. Du pognon, j'en ai. T'inquiète pas pour moi. Ce côté-là, tout va très bien. C'est peut-être ton problème. Là, j'ai mis le doigt dessus, hein. Toi, t'es là pour les pépettes. C'est peut-être pour ça que t'es stressé, hein. Mort baiser. I'll be the late night lady you won't recognize. I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. Don't try to show me, 'cause you don't. There's nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. Stop talking. Yeah. Stone Cold Sober, une sobre pierre froide, c'est la sublime mélodie lapidaire de Paloma Faith, la pin-up néo-soul qu'il ne faut pas saouler. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Alors maintenant, après avoir pris conscience que le lumineux Herman Van Rompuy entretient plus que jamais la phallocratie européenne, il est temps, à 11h26, d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que le 28 novembre 1789, il y a donc 220 piges tout juste, le docteur Joseph Guillotin présenta aux députés de l'Assemblée constituante une étrange machine à décapiter. Il s'agissait d'offrir une mort immédiate et sans souffrance, à la différence de la pendaison ou de l'écartèlement. Dans la foulée, Sa Majesté Louis XVI, Monsieur Bricolage, proposa de remplacer le couperet en croissant par un couperet en trapèze, beaucoup plus efficace, comme il le constata lui-même le 21 janvier 1793. Très vite, la guillotine rencontra un énorme succès, avec près de 17 000 raccourcis en 2 ans de terreur. Eh bien, en écho à cet anniversaire macabre du rasoir national, nos joyeux fantômes radiophoniques se sont retrouvés nez à nez jeudi dernier face à une guillotine. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions médusés. Car dans la nuit de mercredi, la décoration de nos locaux avait changé. Et jeudi, à l'aube, une guillotine y était installée. Malgré son indignation, Jean Hagen a voulu comprendre ce qui s'était passé. La guillotine est une espèce de honte, mais je crois qu'il y a une espèce de mythologie ou une espèce de romantisme de la guillotine, au fond. Vous savez, je crois qu'on magnifie un petit peu la guillotine comme on a magnifié la croix, qui était un gibet, un supplice absolument horrible. Jésus-Christ a magnifié la croix. Et je crois que la guillotine, chez nous, a été magnifiée par Louis XVI, Marie-Antoinette, André Chénier, et même, d'un autre côté, par des gens comme Danton et Robespierre. Et je me demande si, dans l'inconscient collectif des Français, la guillotine n'a pas gardé une sorte de prestige épouvantable. Je me demande s'il n'y a pas... Là, si c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher l'explication. Je crois effectivement que la guillotine rassure. Et là, le docteur Soubiron a montré son vrai visage. Guillotin était un homme de cœur, c'était un médecin, ce qui était naturel qu'il soit un homme de cœur pour un médecin, et qui avait eu l'occasion à plusieurs reprises de constater que le système pénal de l'Ancien Régime était monstrueusement égoïste et injuste, en ce sens que les gens n'étaient pas exécutés pareil selon qu'ils étaient nobles ou pas nobles. Et il s'est dit qu'il était normal qu'au même délit correspondent les mêmes peines et que d'autre part, ces peines ne devaient jamais être un supplice, qu'on ne devait pas rouer les gens pendant des journées entières, qu'on ne devait pas les pendre pendant un quart d'heure, qu'on ne devait pas les brûler, mais qu'on devait, puisqu'on les avait condamnés à mort, les exécuter. Alain Bédoué a même tenté de nous en débarrasser, sans succès. Ça vous dirait une guillotine sur la cheminée du salon, entre la photo des enfants et la pendule Louis XV, pour 380 francs, plus évidemment frais d'envoi, la reproduction exacte d'une guillotine avec bascule, couperet, lunettes et panier. Et tous les goûts, comme on dit, sont dans la nature. Jean-Yann l'aurait bien prise chez lui, mais c'était vraiment trop compliqué. On en rigole, mais vous rendez compte que la guillotine, c'est un engin qui pèse un poids considérable, qu'on doit monter, qui arrive avec un cérémonial énorme, avec des gens qui s'en occupent, qui la graissent, qui l'entretiennent, qui la polissent. Et puis c'est un meuble imposant. Du coup, on l'a renversé. Et je m'étais dit, mais quelle attitude auras-tu devant la guillotine ? Peut-être serais-je tombé dans les pommes, peut-être aurais-je crié, peut-être me serais-je écroulé complètement, je n'en sais rien. Mais les partisans de la guillotine étaient prêts à tout pour la relever. On t'a monté la tête. Tu te fais un monstre de la chose. Au fond, qu'est-ce ? Un rien ? Une simple formalité ? Examinons un peu ensemble. D'abord, tu te garnis d'un confortable déjeuner. Puis, on te rafraîchit prestement la chevelure. C'est hygiénique et cela te rajeunit. Ensuite, tu t'en vas tranquillement en voiture. en voiture, mon très bon, en voiture. Durant le trajet, tu causes de choses et d'autres avec le prêtre. Et le temps se passe en un clin d'œil. À l'arrivée, on vient à ta rencontre, on t'ouvre la portière, on te tend les bras. Tout le monde est à ta disposition. Tu montes un escalier très doux, un seul étage. Tu salues et le temps de tourner la tête, broup, c'est fini. Heureusement que ses adversaires étaient convaincants. Et j'entends encore, quand je vous parle là en ce moment, j'entends le bruit de cette mécanique qui tombe. Vous savez, c'est un couperet qui pèse 40 kilos. Et ça tombe dans les glissières, ring, comme ça. Enfin, tout ça, vous comprenez, c'est affreux. Et parfois, comme pour se préparer au retour de la guillotine, l'humanité mutait. Alors c'est un mec, c'est qu'une tête. Alors il est né, c'est avec qu'une tête. Alors c'est son anniversaire, et sa famille qui est là, et sa sœur. Ils ont un cadeau. Et lui il dit... Alors lui il dit tiens, cadeau. Et lui il dit ouais, je sais, c'est un chapeau. Merci beaucoup, Flora Bernard, de vous être cassé la tête pour nous ce matin. Et après votre acéphale staff, voici nos aventures bicéphales, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. C'est notre décrochage régional, direction Roboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, il est grand temps à 11h32 de retrouver nos deux glorieux zéros, Monique à 5-5 et Jean-Claude à 19-6. Oui, car vois-tu, mardi dernier, pour fêter une promotion professionnelle de Monique, ils ont décidé d'aller dîner au restaurant avec deux couples d'amis. Et, autant te l'avouer tout de suite, Jean-Claude a passé une belle soirée de merde. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir ce matin. Primo, nos six commensaux avaient rendez-vous au Gros Boule Gourmand à 19h30. C'est Jean-Claude et Monique qui sont arrivés les premiers et, conscient du cadeau qui a été fait au restaurateur au mois de juillet dernier, Jean-Claude a voulu savoir si les affaires du patron marchaient un peu mieux depuis. Alors, certes, la TVA a sacrément baissé, mais... Jean-Claude constate très vite que le discours des bistrotiers, lui, n'a pas vraiment changé. Ah, oh, mon bon monsieur, les temps sont durs. Nous n'avons pas beaucoup de bourgeois dans nos endroits. Si nous n'avions pas de temps à autre des voyageurs riches et généreux... Vous avez une petite servante qui ne vous coûte pas trop cher, là. Ça, monsieur, les yeux de la tête que ça nous coûte. C'est petit, mais ça mange. C'est fou ce que ça mange. Puis c'est pas fort. Ça peut pas faire les gros travaux. On la garde parce que ça n'a pas de famille. Par charité. Jean-Claude était cœuré. C'est toujours pareil. Soi-disant, les restaurateurs devaient embaucher après la baisse de la TVA, mais bien sûr, rien ne bouge, puisqu'ils ne sont pas contraints de le faire. Résultat, ils continuent d'exploiter du personnel payé au black. C'est exaspérant, se dit Jean-Claude. C'est alors que leur premier couple d'amis se pointe au resto. Et tous les quatre, ils s'installent pour prendre l'apéro. Seulement voilà... Il y a un souci avec le second couple d'amis qui vient seulement d'appeler Monique sur son portable pour justifier son retard. Jean-Claude est fou furieux. Ah, quel mépris. 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés. Ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. Maman, tu comprends, être en retard, ça fait riche. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ainsi, c'est à 21h30 que nos trois couples se retrouvent enfin pour dîner avec un Jean-Claude pour le moins grognon. En plus, il est affamé. Le serveur vient rapidement prendre la commande. Tout le monde choisit Fissa son menu, sauf Monique qui hésite encore. Et le cocktail américain, c'est quoi ? C'est un coquelet grillé avec une sauce américaine, tomate, échalote, une pointe de cognac. Du vin blanc, c'est un peu relevé. Et on peut l'avoir pour l'américaine ? De toute façon, la sauce est à part, madame. Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous avez les filets de barbu pochés au pistou. C'est cuit à la vapeur de pistou, c'est très très très léger. Et c'est marqué où, ça ? Ici, madame, dernier plat du jour. Oui, mais il faut aimer le pistou. Oui. Ou alors une viande, au fond. Vous avez là toutes les grillades et les viandes en sauce. Non, non, pas de sauce. Je suis embarrassée. Je vous fais attendre. Je vous en prie. Écoutez un coquelet. Un coquelet tout bête. Un coquelet, parfait. Je vous envoie la carte des vins. Merci. Bon appétit. Ça l'énerve, ça, Jean-Claude, que Monique ne sache jamais choisir ce qu'elle veut manger au restaurant. C'est insupportable. Bon, toujours est-il que la commande est lancée, le sommelier apporte le vin, mais là, la mouise continue, car Jean-Claude le trouve franchement bizarre, ce pinard. D'ailleurs, le serveur leur pose la question. Alors, comment vous le trouvez, le rougeau? Il est flatteur, non? Moi, j'aime bien, moi, celui-là. Il attaque moins que l'autre. Il a une drôle de couleur, non? Ah, je vais pas vous dire de conneries, c'est du grec. Mais c'est pas interdit de faire venir du vin étranger? Vous êtes pas obligé de prendre que du local? Si, seulement le local, on dirait du jus de pied. Du coup, tout le monde se met au cidre. Sauf que moi, je fais pas la même marche sur le cidre. Alors hop, vin grec. Et tout le monde est content, surtout moi, vu que je le facture plus cher qu'avant à cause du transport. Et oh, et pas gueuler ça sur les tempes parce que je me retrouve au ballon, moi. Eh ben allez, encore une arnaque supplémentaire, se dit Jean-Claude. Attends que je prévienne Éric Besson, moi. Va moins faire le malin, l'aubergiste, avec son vin étranger, là. Une piquette, en plus, merci. C'est alors qu'arrivent les entrées. Et Jean-Claude se lèche les babines quand il voit débouler sa soupe, le consommé du chef. Oui, sauf que là, non, Jean-Claude fait immédiatement appeler le taulier. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. Dites donc, c'est quoi ça? Un cheveu dans ma soupe ou une hallucination? Si je puis me permettre, monsieur, ce n'est pas tout à fait exact. Il ne s'agit pas d'un cheveu, mais de plusieurs. Oui, c'est une soupe à la moumoute, toute bête, toute traditionnelle, agrémentée de quelques fantaisies condimentales. Bon, enfin, vous pourriez quand même prévenir que c'est ça, le consommé du chef, vous voyez? Monsieur, le consommé du chef. Consommé du chef. Ah oui, oui, oui, oui, ah oui, je suis bête. Où avais-je le chef? Rien d'autre, monsieur? Non, je vous remercie. Jean-Claude n'en peut plus. Il fulmine, la soupe est dégueu et en plus, les sujets de discussion sont complètement cons. Attends, qu'est-ce qu'on s'en fout de Vladimir Poutine à Paris, là? Monique qui s'insurge en plus, c'est ridicule, elle le connaît même pas. Un mec qui a fait du karaté, il doit être sympa. Bref, le reste du dîner, Jean-Claude préfère rester muet et vers 23h30, il réclame avec empressement l'addition qu'il propose bien sûr de diviser en 6. J'ajoute le service et je divise par 6. Mais, tout le monde paye ça? Hein? Oh, t'as raison, je suis désolé. Bien joué. C'est la soirée de Monique, c'est vrai qu'on l'invite. Oh, c'est gentil. Alors, divisé par 5, ça nous fait 33,50 par tête. Non, alors là, non, pas d'accord. Désolé, je refuse de payer ça. Waouh, voilà qui me rappelle les souvenirs de fac. Je suis désolée, Monique, je suis vraiment ravie de ta promotion, mais une soupe de concombre froide pour 33,50? Alors là, non! C'est vrai que 33 euros pour une soupe de concombre froide, c'est carrément du vol. D'autant qu'évidemment, l'aubergiste n'a pas baissé ses prix depuis juillet dernier. Du coup, de plus en plus furieux, Jean-Claude appelle le patron et lui demande, l'air goguenard, comment il réagit face aux sénateurs qui ont fait mine de réclamer, devant la mauvaise volonté des restaurateurs, que la TVA repasse à 19,6. Le bistrotier explique alors à Jean-Claude comment il compte faire. Je vais t'expliquer, ma couille. Prenons le plat de base de mon restaurant, le coq au vin. Il était à 40 euros en janvier. En juillet, la TVA baisse à 5,5. Donc, mon coq au vin, il coûte combien? 40 euros, ma couille. Maintenant, plus subtil. Si ça repasse à 19,6, j'en fais quoi de mon coq au vin? Je le passe à 45. Avec la baisse de la TVA, mon coq au vin, il a pris 20% en 6 mois. C'est joli, non? C'est génial. Alors là, trop c'est trop. Vous voyez, dit Jean-Claude à ses amis, ça fait des années que les restaurateurs nous bassinent pour faire baisser la TVA. Évidemment, ils ont promis d'en faire profiter tout le monde. Embauche, baisse des prix, travaux de rénovation. Mais au final, c'est nada et banco dans leur propre fouille. Et c'est qui paie? Eh bien, c'est nous. Car ce sont quelques milliards d'euros en moins pour la collectivité nationale. Mais ça, les restaurateurs, ils en ont rien à cirer. On vient de leur offrir 14% d'augmentation de leurs revenus. Le SMIC, lui, sera augmenté de 0,35% au 1er janvier. Jean-Claude est révolté. Du coup, il refuse de payer la note du dîner. Et pour finir sa soirée, il menace de coller une tarte au restaurateur et à sa femme qui commencent à flipper. Ah, écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille. Et honnête! Honnête! Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Tu vois, on fait des lois, alors à quoi ça sert si on les respecte pas? Laisse tomber, écoutez pas ce qu'il dit. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, rien que du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et l'autre, à la rombière, la gueule en gélatine et sans doux. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 100 ans de conneries. Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister, hein? Mais je... Tais-toi! Tais-toi! Bien. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h41, après cette grosse colère totalement légitime du Jean-Claude, après les 80% des restaurateurs qui se fichent de nous, escrocs, mais bravo à tous ceux qui jouent le jeu, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, justement, pour monsieur Julien Dugast, dans son dictionnaire imaginaire, l'être providentiel qui doit venir nous venger, c'est le Sauveur, un super-héros dont nous avons eu l'honneur d'ailleurs cette semaine de recevoir en France la visite. Mais alors qui est-il? D'où vient-il? Bref, de qui parlons-nous? Eh bien, sans dévoiler tout de suite qui se cache ici ce matin, sache simplement que notre facétieux reporter est allé tendre son micro à monsieur Bernard Lacroix, professeur de sciences politiques à l'université de Paris 10. Ainsi, découvrons ensemble, juste après la virgule, qui est ce merveilleux sauveur. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Une consonne, deux voyelles, saut, deux consonnes, deux voyelles, ver, sauveur. C'est l'envoyé de Dieu ou l'homme, comme on voudra, qui vient prendre sur soi l'ensemble des péchés du monde. Alors, c'est ça un sauveur. J'ai peur que nous vivons dans un monde dans lequel il n'y ait pas beaucoup de sauveurs. Et l'expérience nous apprend qu'il n'y a pas beaucoup de sauveurs. Je ne sais pas, on attendait beaucoup. Il faudrait dire qui, je pourrais le dire après. Mais que Obama soit un sauveur, par exemple. Que l'élection d'Obama, enfin du moins telle qu'elle était vue en France, fasse d'Obama un sauveur de la politique internationale. C'est, semble-t-il, pas tout à fait ce qui se passe. Vous êtes parti longtemps. Où étiez-vous? Mon mandat initial, c'était s'occuper d'une institution qui servait à boucher les trous, qui était gendarme. Et aujourd'hui, c'est une institution qui a contribué, soyons modestes, mais contribuer à sauver le monde de la plus grande crise qu'il pouvait connaître. Alors, je crains d'avoir, parce que, comme vous, je parcours la presse, d'avoir lu les journaux, d'avoir lu, effectivement, qu'il était un sauveur, d'avoir entendu des émissions, je pense qu'il est présenté comme un sauveur, d'avoir eu entre les mains des comptes rendus de sondage qui le présentent comme un sauveur, mais tout ça, ça ne suffit pas à faire de Strauss-Kahn en soi un sauveur. Il y a des gens qui disent quelque chose, des gens qui disent que Strauss-Kahn est un sauveur. Dire quelque chose, ça ne suffit pas à faire exister la réalité ainsi désignée. Je suis l'homme qui tombe à pied, j'ai ma vie entre des mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais en vain. Vous avez des gens qui passent leur vie à vivre dans l'avenir, de qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Moi, je vis dans le présent. Non, ça fait plaisir, attendez, on va pas y plaisanter. Ça fait plaisir de voir que vos concitoyens vous aiment bien. Mais alors, pourquoi tout le monde a envie de croire que Dominique Strauss-Kahn est l'homme providentiel de la gauche, alors? Pourquoi tout le monde? Pas tout le monde. Ceux qui ont intérêt à participer à quelque chose qui est sans doute un coup de marketing extrêmement bien monté. Vous savez, aujourd'hui, un journaliste, il faut qu'il puisse se penser comme libre. Donc, on ne lui suggérera rien directement. Par contre, on aura des attachés de communication qui vont faire des documents sur ces documents qui vont résumer les choses, c'est-à-dire faciliter le travail du journaliste, comme chacun sait, quelqu'un qui travaille très vite sous le coup de l'urgence, etc. Le journaliste lit ce qu'a mis l'attaché de communication et pose les questions que celui qui doit être interviewé veut entendre. Ils essayent d'apercevoir le mystérieux super-héros. Il porte un costume noir avec une cape et une sorte de cagoule. Il est descendu du toit par l'escalier de secours et après il s'est enfui. On n'a pratiquement pas eu le temps de voir. Donc cette semaine pour Dominique Strauss-Kahn, c'est un coup de com'. pour un politiste ordinaire tel que je peux l'être, c'est un coup de com fantastique, bien réussi, bien monté. Et évidemment, tout, comme tous les coups de com, ça évite de parler d'autre chose. Un exemple qui me vient parmi mille autres en tête, vous avez une réunion d'un ensemble de leaders de la gauche pour mettre en cause ce qu'a été le vote de l'Assemblée sur la pseudo-égalité fiscale qui consiste à faire payer fiscalement les accidentés du travail. Il est extrêmement difficile, aujourd'hui, d'avoir des journalistes qui en parlent, qui viennent voir. 4 plus 2, 6, moins 6, 0. Ah bah dis donc, tu comptes vachement bien. Tu sais ce qu'il faudrait, toi ? Un poste où il faut compter l'argent. Genre, président du FMI. Président ? Non, non, non, non, non. Non mais président, avec une belle voiture de fonction, un grand bureau à New York et avec vue sur tout Manhattan. J'ai craqué, j'ai cédé. Est-ce que tu trouvais des mots qui m'ont touché ? Je suis désolé, François, je suis nul. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui, c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier qui est le démiurge de ce sauveur. À l'origine, c'est vrai que c'est quand même une affaire bizarre, non ? Le sauve qui peut. Et puis, c'est sûr que c'est toujours plus simple d'être populaire quand tu te trouves si loin des affaires. D'ailleurs, chez les autres super-héros de Solferino, t'imagines bien que François Hollande et Laurent Fabius, par exemple, ont sacrément les boules quand ils évoquent Dominique Strauss-Kahn. Mais non, mais il me fait marrer, Batman. Avec ses ailes de chauve-souris à la con, il a même pas foutu de voler. C'est vrai. Ah, parce qu'attention, en super-pouvoir, il a Nib. Il vole pas. Il a pas de rayons qui sortent des yeux. Nib. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout chez les super-héros ? Alors nous, on se fait chier, hein, à bouffer de la kryptonite, à se faire piquer par des araignées radioactives, ouais. On en chie, on donne de notre personne, tout ça pour que monsieur, il se pavane, il fasse le joli en Batmobile avec Robin. Viens, on va y crever les pneus. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami. Les marionnettes, c'était Christophe en 1965, parce que c'est effectivement important d'avoir un marionnette. Allô ? Comment ça va, ma chérie ? Bien ? Non, c'est tout ce que tu portes. Mais attends, t'es une vraie salope, toi. C'est pour ça que je t'adore. Non, pas tout de suite, ma chérie, je suis en réunion, là. Hein ? Tu verrais, mes potes, ils sont comme des oufs, là. Ouais. Bien sûr qu'ils ont tout entendu. Mais non, je leur dis pas quitter, ça va pas ou quoi ? Attends, je suis pas comme ça, tu me connais. Hein ? Ok, ma chérie. Bon, allez, je t'embrasse, je te laisse. Je dois te laisser. Je t'embrasse, ma chérie. Bye. Je te jure, je leur dis pas, c'est bon. Allez, je t'embrasse. Bye, chérie. C'était Martine. Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien, cette semaine, la presse nous rappelle qu'il est très important de ne pas négliger sa famille. Oui. Ah, mais c'est toujours important. Hier, d'ailleurs, notre président a fait preuve d'un bel esprit de famille puisqu'il s'est rendu à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pour faire un petit coucou à toute la Smala de droite à l'occasion du Conseil national de l'UMP. Et justement, Philippe, voici dans la presse ce qui évoque le mieux la famille UMP. National Geographic. Ah, Philippe, top! Arrêtez, vous êtes intenable! Vous dites ça parce que National Geographic consacre là en novembre un dossier au règne des crocodiles. Mais ça va pas, non? Ah, bon, c'est vrai, on y apprend que cet effrayant prédateur et ses semblables ont fini par dominer le monde et que certains représentants de l'espèce sont capables de mettre à terre un gnou adulte. Alors vous pensez un socialiste, hein, aucun problème, trop fastoche. Mais non, oh là là, comment qu'il est. C'est pas National Geographic qui nous offre un portrait de la famille UMP, c'est évidemment Le Figaro de ce week-end. Ah. Voilà, alors j'ai feuilleté Le Quotidien. Hein. C'est presque un gag, hein, Philippe. Hein. C'est presque un gag. Ah oui, oui. Tant la galerie de portraits de la droite française est étoffée. Hein. Bon, à la une, on a Papy Chirac et Barnier, hein, qui vient d'être nommé commissaire européen au marché intérieur et aux services bancaires. Alors, je tourne la page. Paf, tiens, un portrait de Xavier Bertrand qui tape la pause. Beau gosse. Je tourne. Voilà, t'as Michel Alliomarie, François Copé. Je tourne encore. Bah, Michel Barnier, le retour. Voilà, je tourne. Ah, tiens, Nicolas Sarkozy. On l'attendait. Bah oui. Aucun socialiste en vue. Ah, si. Si, il y a une photo de José Luis Zapatero. Bon, il est espagnol. Ça compte pas tout à fait. Voilà, bon, Philippe, c'est dans le supplément télé du Figaro, oui. Que c'est la régalade. On y trouve une série de photos de famille. C'est beau, c'est intime. C'est Jacques Chirac qui fête ses 77 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Hein, et qui nous présente son petit-fils, oui, Martin, 13 ans. Voilà, je vous le montre. Non, mais c'est vraiment l'esprit de famille. Hein, parce que Michel Drucker, bah, il les reçoit d'ailleurs cet après-midi sur Michel. France 2. Voilà, il est sur chaque photo. Hein. Ah oui, Michel. Oh ben, hey, président Chirac, il le dit lui-même. Hein. Michel est vraiment un membre de la famille. C'est écrit. Et alors, Michel, lui, de son côté, déclare « La famille Chirac m'a toujours fait confiance ». Ben oui, tu parles, évidemment. Alors, le journaliste du Figaro conclut en disant que, face aux soucis et aux aléas de la vie politique, Jacques Chirac se rend au studio Gabriel en toute confiance. Ah bah oui, ça, Michel Drucker, il est plus doux qu'un bichon maltais. Alors, Philippe, dans le Figaro de ce week-end, par contre, je suis tombé sur un article d'anticipation assez hallucinant sur la réforme des lycées qui vient d'être présentée par Nicolas Sarkozy et par le si gentil Luc Châtel. Non, c'est hallucinant, hein. C'est à peu près la même réforme que celle du sévère Xavier Darcos, qui à l'époque avait fait sortir les lycéens dans la rue, hein, on s'en souvient. Mais il faut croire qu'avec les sourires châteliens, on fait plus facilement passer des trucs bizarres comme la disparition de l'histoire géo de la classe de terminale des séries scientifiques. Ça, c'est hallucinant. Oui, plus d'histoire géo en S. Alors, c'est un article d'éduc-fiction du Figaro. Bah, c'est tellement gros que ça fait peur. Bah, moi, je me suis dit, c'est pas possible autrement. Ils cherchent à plomber la réforme. Parce qu'ils nous souhaitent bienvenue dans l'école du futur, c'est-à-dire dans le lycée de 2020. Voilà, ça vous dit qu'on jette un œil à ce lycée du futur? Allez, oui. C'est parti. On commence par une visite du lycée Frédéric Becbédé. Et ça commence voilà. Mal. Ah, ça commence mal. Hein. Équipé de grilles et de portiques de sécurité. Pardon. Une remarque d'un auditeur qui vient de dire à côté de son transistor que le Figaro ne croit plus au succès de la lutte contre l'insécurité menée tambour battant. Ah ben oui, c'est vrai, il faut croire, ouais, il y a des portiques de sécurité partout. Alors le lycée Becbédé est ouvert 365 jours par an. Ah bah oui. Ah bah tant qu'à faire, bon ça on l'avait quand même un peu compris avec la Pentecôte là, tout ça. Bon maintenant c'est officiel, hein, le but est de supprimer les vacances et les jours fériés, ça au moins il n'y a plus de problème. Bon, sinon les lycées sont en concurrence. Par exemple, le proviseur du lycée Becbédé, il est tout content car il a réussi à récupérer des élèves du lycée voisin qui, par conséquent, a dû fermer. C'est qui le lycée voisin ? Il le dit pas. Ça doit être Amel Bent. Mais c'était inévitable, ricane le proviseur. Avec un projet sur les grandes œuvres littéraires françaises. Oh, les cons. Bah oui, voilà, c'est la suite du feuilleton hein, sur la princesse de Clèves, tout ça, avoir des lettres, c'est pas compétitif, donc dehors. Alors ensuite, dans cet article d'anticipation du Figaro, on nous présente le lycée Philippe Solers. Ah ils y vont fort. Alors, bon, le proviseur, c'est un petit chef d'entreprise. Hein. Il recrute lui-même ses profs. Alors, fini hein, les concours nationaux, le truc là qui garantissait la qualification des profs dans sa discipline, tout ça. Bon là là, le but, c'est d'occuper les élèves pendant quelques heures. Par exemple, le prof d'anglais, en même temps, il fait français. Un peu d'histoire aussi. Bon, on sent qu'elle a des beautés, on peut lui demander sport ou chimie. Ou... EMT ou... EMT, allons-y, c'est la fête. Voilà, au passage, tiens, les filières sont sponsorisées par l'entreprise BTP du coin. Ah, oh, pardon Philippe, encore une remarque d'un auditeur qui vient de dire qu'il y a une vraie cohérence entre l'école et les programmes télé. Eh ben oui, comme ça c'est tout, ben c'est, ce sera parfait. Bon, hey, je vous passe les profs et les élèves qui sont payés au mérite, le bac n'est plus un examen, les programmes disparaissent évidemment, pour pas besoin de ça. Évidemment, le système n'est pas fait pour aider les plus faibles. Hein. Le Figaro dit que le meilleur gagne. Assez clair. Non, ça fait vraiment froid dans le dos, hein, car on le sent, bon, aujourd'hui tout est déjà en germe dans l'éducation nationale, mais l'école de la République risque d'être assez fracassée, hein. Pour former de bons petits consommateurs, voilà, des salariés. Et non plus les citoyens. Et non plus des citoyens. Ce qui était quand même le but de la manœuvre. Ben voilà, et puis donner un peu à tout le monde une chance, même si voilà. C'était parfois compliqué. Mais en tout cas, voilà, on va avoir des petits salariés privés de tout esprit critique. Bah tiens, d'ailleurs, Philippe, le Parisien nous annonce que Lucky vient de mourir en Australie. À l'âge de 23 ans. C'était le plus vieux mouton du monde. Mais qu'on se rassure, tout est fait pour perpétuer l'espèce. Merci, monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 181e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Morge à Palace. Une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Jean-Philippe Jeanne et d'Alain Arnstam. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les Scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi à Olivier Lefaillère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de l'INA, et à Aloïs Riard, notre stagiaire. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique. Et dimanche prochain, toujours à 11h sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques. Et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.